J'mets le mode Sabia et de l'asphalte, je décolle. J'arrive à bon port avant que l'éclair ne touche le sol. J'ai déjà tout préparé, mes enfants ne manqueront de rien. Occupe-toi de l'avenir de tes gosses au lieu de penser au mien. Tu peux faire tes 5 par jour, y'a toujours un démon qui te suit. Tu peux être dans le plus grand délit, faire des cauchemars toute la nuit. Les ennemis sont de ton espèce, peu importe ce que tu fasses. Les médias et le bleu, qui veulent ton nom sur leur tableau de chasse. Ils ont tué